Il est 7h presque sur Radio Issan et nous sommes à de suivre le journal d'information parlant en français. Eric Ouimana sur la mise en onde à la présentation de son journal d'information. C'est Médar Nyon Nourou. Bonjour Bender et bienvenue. Bonjour Apollonie, bonjour à toutes et à tous qui captent la radio Isanganilo. Ce journal est composé par les grands titres suivants. Les négociations inter-burundais vont reprendre le 21 mai prochain. C'est du moins l'annonce qui a été faite par l'équipe de la médiation conduite par l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa. Agathon Gwasa a dénoncé le système d'approvisionnement carburant à Bujumbura par les services étatiques. Ce député demande la réorganisation de ce service. Et puis le représentant de l'Union européenne au Burundi demande aux protagonistes en conflit burundais de s'engager pour des négociations inclusives afin de mettre un terme à l'instabilité qui règne dans ce pays. Dans ce journal, on va également se rendre à Ngozi, dans la commune de Kiremba, où on parle d'une fosse commune contenant les restes des personnes qui auraient été tuées en 1993. Et voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Oh bonjour. Certains Burundais, notamment ceux de Muyinga, à qui la radio Isanganilo a tendu le micro, disent être fatigués par l'instabilité qui règne dans ce pays. Pour elle, la priorité de ces pourparlers doit être la sécurité des personnes et leur bien. La relance de l'activité économique pour venir à bout de la faim et des maladies dont souffrent pas mal des Burundais. On les écoute. Nous aimerions que ces pourparlers actuels aillent dans la ligne de militer pour la paix et la sécurité de notre nation. Il vient de se passer un temps relativement long. Beaucoup de tués sont observés. Il y a beaucoup de déplacés qui sont à l'extérieur du pays. Maintenant, il y a une fin qui tarde à prendre fin. Donc, il y a beaucoup de défis en ce qui concerne la sécurité. Donc, il faut penser avant tout à cette population qui a longtemps souffert, qui a faim, donc qui a besoin d'une main de Dieu pour pouvoir venir en aide. La politique va intéresser uniquement les politiciens à Arusha. Si la question première est la sécurité des gens, la sécurité des biens et la sécurité des personnes, je pense que tout ira bien à la fin. Donc nous avons observé que durant les années passées, durant les temps qui évoluent, on avait organisé des pourparlers, mais pour essayer d'accéder au pouvoir pour certains et pour d'autres pour s'y maintenir. Et c'est cela qui a toujours expliqué les instabilités, les massacres qui ont toujours endeuillé cette nation. Les chrétiens qui vont siéger à Arusha, en connaissant qu'ils ils sont baptisés pour qu'ils aboutissent à une paix durable. Cette paix et la sécurité, nous la voulons axée sur trois piliers, à savoir la justice. Il faut que soit révolue cette attitude d'impunité et de vouloir justifier le mal commis par le mal commis par d'autres dans les temps révolus. Et un second pilier, nous aimerions qu'ici, dans notre nation, il y ait une bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait l'égalité des chances. Il faudrait que les jeunes qui terminent leurs études ou d'autres qui sont en quête d'emploi, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, ils aient une même égalité de chance. Le troisième pilier, la démocratie. Pas une démocratie livresse, mais une démocratie qui se traduit dans la vie même des citoyens. Là, ce sont des Burundais de la province Muyinga qui disent être fatigués par l'instabilité qui règne dans ce pays. Les négociations inter-burundaises reprennent ce 21 mai prochain. L'annonce a été faite par l'équipe de la médiation conduite par l'ancien président Benjamin Mkapa, initialement annoncé pour le 2 mai. Ce rendez-vous avait été reporté pour se dérouler au cours de la troisième semaine du mois de ce mois. C'est donc une chose faite, du moins pour l'instant. La raison de ce report était de permettre à la facilitation de mener d'autres consultations avec tous les protagonistes de la crise burundaise et d'autres partenaires. Makocha Tembele, assistant du médiateur, a indiqué que cette nouvelle date a été fixée de commun accord avec toutes les parties prenantes. L'Union européenne demande aux protagonistes en conflit burundais de s'engager pour des négociations inclusives afin de mettre un terme à l'instabilité qui règne dans ce pays. Cela a été dit hier par Patrick, c'est plutôt avant-hier par Patrick Spirley, représentant de l'Union européenne au Burundi, lors de la célébration du 66e anniversaire de l'Union européenne. Patrick Spirlé précise que la coopération Union européenne et Burundi n'est pas suspendue totalement. Pour lui encore, l'accord d'Arusha sur le Burundi mérite d'être respecté pour qu'il y ait retour de la stabilité dans le pays. Le point avec Léonce Bitario. L'Union européenne est présente dans ce pays depuis longtemps, a dit Patrick Espirilé. Elle a comme objectif essentiel d'aider dans la stabilisation du Burundi et de la région et à la lutte contre la pauvreté notamment. Elle reste ainsi aux côtés de la population comme dans le secteur de la santé avec une enveloppe de 40 millions d'euros et 15 millions destinés au développement rural. Parmi les grands événements que Patrick Espirilé met en évidence, il y a notamment l'accord d'Arusha. Il n'est pas question de le remettre en cause aujourd'hui, dit-il. D'abord et avant tout, la stabilité du pays basée sur l'accord d'Arusha. Le remettre en cause aujourd'hui, c'est remettre en cause les acquis de 10 années de stabilité et de consolidation. Ensuite, la question des droits de l'homme. Il est appréciable qu'un certain nombre d'experts internationaux aient pu se déployer. Mais vu le nombre d'allégations et de rapports internationaux existants, il est essentiel qu'il y ait une véritable reconnaissance de ce problème et qu'un suivi soit apporté en toute transparence pour que des réponses adéquates puissent être apportées. Monsieur Spirilé souligne également le rôle important de la société civile, reconnu même dans l'accord de Cotonou. Et si cet accord était respecté, ça pourrait alléger la situation en ce qui est de l'aide étrangère. Mais pour tout, le représentant de l'Union européenne au Burundi appelle au dialogue inclusif afin de mettre en terme à la crise. L'Union européenne s'est engagée financièrement et politiquement à appuyer la médiation internationale et donc les initiatives prises par l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa sous les auspices du président ougandais. Le facteur temps est essentiel, comme il est essentiel que toutes les parties prenantes, sans exception, démontrent leur volonté politique de participer sans précondition. Patrick Espirilé indique que, début juillet de l'année en cours, l'Union européenne compte évaluer avec le gouvernement burundais l'état des lieux du respect de l'accord de Cotonou en son article 96 en vue de voir si le partenariat puisse se renormaliser. Il déplore par ailleurs la perturbation de la sécurité qui s'observe encore au Burundi. Jets de grenades, assassinats ciblés, disparitions, nous ne pouvons que condamner les auteurs de ces faits, quels qu'ils soient, dit-il. Merci Léonce. En réaction à ces propos de l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, le secrétaire permanent au ministère des Relations extérieures dit que la voie empruntée par le Burundi pour que la paix et la stabilité reviennent est rassurante. Joseph Wanguramona estime que le partenariat Burundi-Européenne devrait plutôt reprendre. Quelle surprise lorsque le 14 mars 2016, l'Union européenne a décidé de suspendre ses appuis financiers directs fournis à l'administration burundaise, y compris les appuis budgétaires. Malgré cette évolution dans notre partenariat, nous demeurons convaincus que ce malentendu sera rapidement balayé par la conviction progressive chez les uns et les autres que la voie empruntée par le Burundi n'avait finalement pas d'alternative défendable et par le nécessaire regain de confiance entre partenaires. Mon pays a inscrit ses impératifs dans ses priorités qui ressortent clairement dans sa loi fondamentale et dans l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. C'est à cette fin que le gouvernement du Burundi a réaffirmé son profond attachement à construire un ordre politique et un système de gouvernement fondé sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l'individu. Si ces principes ont été un peu bousculés, le gouvernement n'entend pas être discret de ses devoirs et de ses engagements envers son peuple. Sur le plan de la sécurité et de la paix, mon pays a mobilisé beaucoup d'énergie et de moyens pour surmonter la crise dans laquelle il était plongé il y a quelques années, de même que les événements actuels. Nous croyons qu'aucune personne raisonnable ne doit aujourd'hui brandir les violences comme une voie de solution des problèmes. Nous n'allons ménager aucun effort visant à garantir à tous et à chacun, nationaux comme étrangers, l'épanouissement en toute quiétude sur le sol burundais. Rappelons que la partie gouvernementale exige d'être associée dans la définition de l'agenda et dans la désignation des personnes à inviter. Considérant que ceux qui ont opté pour la voie de la violence et ceux qui sont poursuivis par la justice ne devraient pas participer à ces pourparlers. Allusion faite ici à certains membres de la plateforme radicale de l'opposition Sénared. Lors du dernier report plus tôt, vendredi 29 avril, Dr Jaminani, nouveau président du Sénared, nous avait confié qu'il était déjà invité, mais en tant que président du parti Sarwanya Frodewu Nyakuri, mais qu'il souhaitait voir inviter tous les partis composant cette plateforme de l'opposition burundaise. On n'en sait pas plus pour l'instant. Nilo, la radio de l'avenir. 7h10 minutes sur la radio Isanganiro, le journal continue. La police de protection civile et ses partenaires sont déjà à l'œuvre pour venir en aide aux 200 familles de la commune Mutibudzi en province de Bujumbura, sinistrées par les récentes inondations causées par la rivière Rusizi. C'est du moins l'annonce faite par la commission de police, le commissaire plutôt de police Nemako Antoine, directeur général de la protection civile. On l'écoute. Ces derniers temps, la région, la zone de Mutibudzi, côté Gatumba, la zone a connu des fortes précipitations, certainement que c'est dû au décès de Nino. Donc, il a connu de fortes précipitations qui ont entraîné des inondations dans les quartiers Kinyinya 1, Mushasha 1 et 2, Fugizo côté Douane et récemment à Kajaga. Le bilan est énorme et l'évaluation étant encore en cours. Mais le bilan provisoire qu'on a est plus ou moins, donc 800 ménages déjà affectés, où on a connu déjà 200 ménages qui n'ont plus où aller, qui doivent être évacués de la zone Bougizo. Ce qui est en train d'être fait actuellement, c'est d'essayer d'identifier, déjà d'identifier même ensuite d'évacuer les sinistrés des familles affectées par ces inondations. Et c'est déjà localisé à Warbondo, au centre d'Atumba. Le gouvernement de Bujumbura a déjà accordé ce site. Et les groupes sectoriels de prévention des risques de gestion des catastrophes sont en train de faire les évaluations. Les réunions sont en cours au niveau des sectoriels. Et on espère que d'ici peu, on pourra intervenir et assister ces sinistrés. Et puis, il y a la question des eaux de la rivière de la Rusizi qui ont inondé le quartier Kajagade en passant par le cimetière le plus proche de cet endroit. Ce commissaire de police indique que la Croix-Rouge va procéder dans l'immédiat à la pulvérisation. On l'écoute encore une fois. Kajaga, oui, c'est un quartier en dessous de Gatumba. Il vient de connaître comme les zones voisines, donc une montée des eaux qui a inondé une belle construction. Ces inondations ont également envahi dans un cimetière, ce qui provoque de puanteur et avec risque d'ailleurs de maladie. Comme je l'avais dit, donc les groupes sectoriels sont à l'œuvre pour que on puisse aller pulvériser ces endroits pour faire la prévention au risque de maladies liées à ces eaux. Et puis le premier vice-président de l'Assemblée nationale dénonce le système d'approvisionnement en carburant à Bujumbura par les services de l'État de l'intérieur du pays. Le député Agaton Gwasa, en visite de travail à Muyinga mardi dernier, demande la réorganisation de services afin de protéger les intérêts du contribuable. De Muyinga, c'est le reportage de Dieudonné Nzeyimana. Parmi les services de l'État avec des difficultés d'approvisionnement en carburant, c'est de la justice et de la santé. Juge du tribunal de grande instance de Muyinga manque de carburant pour des descentes de terrain, pour des dossiers de litiges fonciers. En santé, chaque district sanitaire a une ambulance, mais pour trouver du carburant, les ménages doivent contribuer à un réseau de 1000 francs par ménage. Ces doléances des représentants de ces services ont été soumises au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le député Agaton Gwasa, à réunion d'échange avec le chef de service de l'État à Muyinga mardi. S'exprimant sur la question du carburant, il en a profité pour dénoncer le système d'approvisionnement des services de l'État de l'intérieur du pays. Jusqu'à aujourd'hui, les responsables des services qui ont des véhicules doivent impérativement s'approvisionner à partir des stations-service de Bujumbura. Exigence ou routine, d'après les chefs de service, précisant que le carburant est donné sur bon de commande par des sociétés qui ont des contrats avec le gouvernement. Pour le député Agaton Gwasa, le circuit doit changer. C'est illogique d'aller chercher le carburant en gaspillant le carburant. Il faut protéger l'argent du contribuable burundais. Si possible, ces sociétés avec des contrats avec le gouvernement devraient signer le contrat de sous-traitance avec les stations-service de l'intérieur du pays. Suggestion de cette lutte du peuple. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga Radio Isanganiro. Dernier élément de ce journal. En commune Kilemba de la province Ngozi, on parle d'une fosse commune contenant des restes des personnes qui auraient été tuées en 1993. L'administrateur de cette commune parle des restes d'une seule personne déjà vie, restée déterrée par l'érosion due aux fortes pluies tombées ces derniers jours. Samedi plutôt, Terence a indiqué que l'administration a jugé bon de protéger ce site. Apollinaire Mouzagar. Cet endroit qui abriterait une fosse commune contenant des restes des personnes tuées se trouve sur la colline Gahororo en commune Kirem. Des pluies torrentielles tombées ces derniers jours ont emporté la terre qui couvrait ce site, mettant au grand jour des restes d'une personne. Certains des habitants de cette colline indiquent que d'autres personnes auraient été enterrées dans ce site. Même si l'administrateur de la commune Kiremba parle d'une seule personne, il indique tout de même que ce site a été protégé. L'administrateur Terence Samirizi dit que cette personne aurait été tuée par des militaires pendant la crise de 1993. Parvenant pas à l'identifier, la population de la localité l'a enterrée à cet endroit même, juste à côté de la route, indique cette autorité communale. Il y a 5 ans, dans cette commune, une fosse commune a été repérée dans cette même commune lors des travaux de terrassement dans ce qui devront abriter les bureaux du directeur communal de l'enseignement. Toujours en province Ngozi, cette fois-ci en commune Ruhororo, sur la colline Mukoni, une autre fosse commune a fait objet de conflits entre les résidents. Ils sont restés sur les collines et les déplacent. Au moment où un des résidents voulait cultiver cet endroit, les déplacés se sont opposés, arguant qu'une vingtaine de personnes tuées en 1993 ont été jetés. Le gouverneur de cette époque, Claude Nahayo, a jugé bon lui aussi de protéger ce site. Un des représentants provinciaux de l'association Amipesi Girubuntu parle de plusieurs fosses communes dans cette province contenant des restes des victimes des différentes crises qu'a connu le Burundi. Donc aussi, Apollinaire Mouzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Et voilà, c'est par ici que se ferme ce journal. Merci à vous qui avez choisi Isanganiro. Merci également à Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation de ce journal, mesdames et messieurs, excellente matinée à toutes et à tous.